Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. De l'extrême onction. Explication. L'extrême onction nous présente les cinq questions suivantes. En quoi ce sacrement consiste et comment il a été institué? Quels sont ses effets? Quel en est le ministre? À qui il doit être conféré, s'il peut être réitéré. Question 29. Du sacrement de l'extrême onction, sa nature, son institution. L'extrême onction est un sacrement qui a pour matière l'huile d'olive consacrée par l'évêque, et pour forme la prière usitée dans l'Église. 1. L'extrême onction est-elle un sacrement? L'extrême onction est une cérémonie extérieure qui, d'après Saint Jacques 5, 15, produit la rémission du péché par la grâce qu'elle confère. Donc elle est un des sacrements de l'Église. 2. L'extrême onction n'est-elle qu'un seul sacrement? Malgré la diversité et la multiplicité des opérations dont elle se compose, l'extrême onction est un seul sacrement, dans lequel les onctions réunies ont pour objet de signifier et d'opérer un même effet, la guérison de l'âme. Note. Les onctions sur les sens que le péché a pu atteindre constituent une seule action, qui est le sacrement. À la dernière, l'effet se produit dans l'âme du malade. Fin de la note. 3. Ce sacrement a-t-il été institué par Jésus-Christ? Jésus-Christ seul a institué les sacrements, mais il a promulgué par lui-même ceux dont on se persuade plus difficilement la vertu, et il a laissé à ses apôtres le soin de promulguer les autres, par exemple, l'extrême onction et la confirmation. Les sacrements, en effet, sont le fondement de la loi nouvelle. Ils ont dû être institués par le législateur lui-même. Il n'appartenait qu'à Dieu de leur donner l'efficacité dont ils sont doués. Note. Si l'on nous faisait observer que l'Évangile ne parle pas de l'institution de l'extrême onction, nous répondrions que notre Seigneur a fait et dit beaucoup de choses que les évangélistes n'ont pas rapportées. Mais saint Marc 6:3. Fait mention de certaines onctions pratiquées sur les malades, les apôtres, dit-il, ognaient d'huile les infirmes. Fin de la note. 4. L'huile d'olive est-elle une matière convenable pour l'extrême onction? Saint Jacques 5, 14, nous enseigne expressément que l'huile est la matière de l'extrême onction. Il nous fallait, pour la fin de notre vie, un sacrement propre à produire parfaitement et avec douceur notre guérison spirituelle, parfaitement, puisqu'il n'y a plus lieu de recourir à un autre moyen, avec douceur, pour relever à ce moment suprême l'espérance, vertu si nécessaire aux mourants. L'huile est adoucissante, pénétrante et expansive. Elle est par là même la matière qui convient au sacrement de l'extrême onction, pour en signifier les effets. Et comme on donne principalement ce nom à la liqueur de l'olive, les autres liqueurs ne l'ayant reçue qu'à cause de leur ressemblance avec elle, c'est l'huile d'olive qui doit servir de matière à l'extrême onction. Note. L'huile d'olive, dira-t-on, ne se fabrique pas en tout lieu, il est vrai, mais on la transporte facilement d'un lieu à un autre. D'ailleurs, le sacrement de l'extrême onction n'est pas d'une telle nécessité que les mourants ne puissent être sauvés sans l'avoir reçu. Fin de la note. 5. Est-il nécessaire que l'huile soit consacrée? S'il faut que, dans quelques sacrements, la matière soit sanctifiée, tandis que cette condition n'est pas nécessaire dans les autres, c'est que la matière de ceux que le Christ a reçus tire son efficacité de l'usage même qu'il en a fait. L'eau du baptême, par exemple, tient sa vertu régénératrice de sa chair qui a été plongée en elle. Comme il n'a fait usage ni de l'extrême onction, ni d'aucune onction corporelle, il faut que la matière de tous les sacrements où il se fait des onctions soit soumise à une bénédiction spéciale. 6. Est-il nécessaire que la matière de ce sacrement soit consacrée par l'évêque? La vertu des sacrements leur vient de Jésus-Christ, d'où elle découle non seulement sur le peuple par les ministres, mais sur les ministres inférieurs par les ministres supérieurs auxquels il appartient d'en sanctifier la matière. De là vient que, dans tous les sacrements où il faut une matière sanctifiée, la première sanctification est réservée à l'évêque, alors même que c'est au prêtre d'en faire l'emploi, afin qu'il soit manifeste par là que les pouvoirs du prêtre sont une dérivation du pouvoir épiscopal. C'est ce qui a lieu pour la matière de l'extrême onction, elle doit être consacrée par l'évêque. 7. Le sacrement de l'extrême onction a-t-il une forme? Une matière qui, d'elle-même, représente indifféremment plusieurs choses, ne pouvant être déterminée à signifier tel effet plutôt que tel autre que par les paroles prononcées en l'employant, l'extrême onction doit avoir, aussi bien que les autres sacrements de la loi nouvelle, une forme déterminée, d'autant plus que Saint Jacques paraîtra mener toute sa vertu à la prière, qui, comme nous le dirons bientôt, en est effectivement la forme. Note. On objecte que l'on ne trouve point la forme de l'extrême onction dans l'Évangile, comme s'il ne suffisait pas que l'Église l'ait apprise par la tradition des apôtres, qui la tenaient eux-mêmes de leur divin maître. Conformément à cette parole de saint Paul, « Ce que je vous ai enseigné, je l'ai appris du Seigneur même. » 1 Corinthiens 11, 23. Fin de la note. 8. La forme de ce sacrement doit-elle être prononcée à l'indicatif ou bien par manière de prière? La forme déprécative, comme celle-ci, que, par cette onction sainte et par sa douce miséricorde, le Seigneur vous pardonne tous les péchés que vous avez commis par la vue, etc., est en usage dans toute l'Église. Donc elle convient à l'extrême onction. Il y a de plus cette autre considération, que Saint Jacques attribue la vertu de ce sacrement à la prière. La prière de la foi, dit-il, sauvera le malade. L'Église romaine emploie uniquement cette forme dans l'administration de ce sacrement, parce que celui qui le reçoit, destitué de force, a besoin de la prière des autres, et qu'il est très important de recommander à Dieu le mourant qui, cessant d'être sous la juridiction de l'Église, va se reposer dans ses mains. 9. La forme déprécative dont on vient de parler convient-elle au sacrement de l'extrême onction? La prière précitée est certainement une forme convenable pour l'extrême onction. Elle indique le sacrement dans ses paroles, par cette sainte onction, elle marque le principe qui y opère, au moyen de ses mots, par sa tendre miséricorde, et elle en désigne l'effet, la rémission des péchés, par les expressions qui terminent la formule. Question 30. Des effets de l'extrême onction. Ce sacrement contribue indirectement à la rémission des péchés. Il a pour effet direct de donner de la force à notre âme. Il rétablit parfois la santé du corps. Il n'imprime pas un caractère. 1. L'extrême onction a-t-elle la puissance de remettre les péchés? Administrée par forme de traitement, L'extrême onction a pour objet principal de guérir les infirmités spirituelles que le péché, soit originel, soit actuel, laisse en nous, et de donner à notre âme la force nécessaire pour l'accomplissement des actes de la vie glorieuse. On conçoit que, pour rendre la santé parfaite à notre âme, il faut qu'un tel sacrement y trouve la vie spirituelle, ainsi tout traitement du corps présuppose la vie naturelle. C'est pourquoi, lorsque le malade est en état de péché, l'extrême onction commence par l'en retirer, à moins qu'il ne mette lui-même obstacle à son efficacité, faute de disposition. Aussi Saint Jacques disait-il, si le malade a des péchés, ils lui seront remis. Ceci n'est qu'accidentel. L'extrême onction n'a pas pour effet direct et principal de remettre le péché mortel, dont le malade qui la reçoit est souvent exempt, elle n'est pas non plus principalement instituée contre le péché véniel, que la pénitence peut effacer suffisamment. Elle a pour objet propre de guérir la faiblesse spirituelle produite en nous par les restes du péché. Note. Dans le cas où l'extrême onction remet le péché lui-même, elle change en contrition le mouvement du libre arbitre, nous avons vu ailleurs que l'Eucharistie et la confirmation peuvent faire autant. Fin de la note. 2. La santé du corps est-elle un effet de ce sacrement? L'extrême onction rend la santé du corps, comme les onctions que faisaient les apôtres sur les malades avant la passion du Sauveur. Ce n'est là, toutefois, qu'un effet secondaire qui n'arrive, dans les desseins de la sagesse divine, qu'autant que la guérison corporelle peut concourir à celle de l'âme, effet principal de ce sacrement. 3. L'extrême onction imprime-t-elle un caractère? Nous verrons plus loin que l'extrême onction peut se réitérer, donc elle n'imprime point de caractère. Conférée pour remédier aux infirmités de ceux qui la reçoivent, elle ne leur donne aucune aptitude pour des fonctions saintes dont ils puissent être le ministre ou le sujet. Note. Son effet consiste dans une certaine dévotion intérieure, sorte d'onction spirituelle. Question 31. Du ministre de l'extrême onction. Ni les laïcs ni les diacres ne confèrent ce sacrement. L'évêque n'est pas le seul qui puisse l'administrer. 1. Un laïc pourrait-il conférer l'extrême onction ? Aucun sacrement ne saurait être administré d'office par un laïc. Il est vrai qu'en cas de nécessité toute personne peut donner le baptême, mais c'est en vertu d'une dispense que Dieu nous accorde, afin que nul ne soit privé du bienfait de la régénération spirituelle. 2. Les diacres peuvent-ils conférer l'extrême onction? Saint Jacques a dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église, les prêtres et non les diacres. Les diacres ne peuvent administrer d'office aucun sacrement, pas plus l'extrême onction que les autres. Note. Ils n'administrent pas même d'office le baptême. Fin de la note. 3. N'y a-t-il que l'évêque qui puisse administrer ce sacrement? Les sacrements dont l'administration est réservée à l'évêque constituent celui qui les reçoit dans un état de perfection au-dessus des autres hommes. Cela n'ayant pas lieu dans l'extrême onction, que tous peuvent recevoir, rien ne s'oppose à ce que de simples prêtres puissent administrer ce sacrement. Question 32. De la réception de l'extrême onction. Les malades seuls reçoivent ce sacrement, encore faut-il qu'ils soient près de leur fin. Les fous, les insensés et les enfants doivent-ils être administrés? Sur quelle partie du corps il faut faire les onctions? 1. Doit-on donner l'extrême onction à ceux qui se portent bien? Quelqu'un d'entre vous, dit Saint Jacques, Est-il malade? Qu'il fasse venir les prêtres de l'église, etc. On voit par cette parole qu'au malade seul convient le sacrement de l'extrême onction. Puisque ce sacrement s'administre sous la forme d'un traitement corporel, il est clair qu'on ne doit pas le conférer à ceux qui se portent bien. Note. Ainsi, par exemple, on ne donne pas l'extrême onction condamné à qui on va trancher la tête. Fin de la note. 2. Ce sacrement doit-il être conféré dans toutes les maladies? Le sens même du mot extrême onction témoigne que ce sacrement est le dernier remède que l'Église ait à nous offrir pour nous disposer immédiatement à la vie de la gloire. On ne doit donc pas le donner à toutes sortes de malades, mais seulement à ceux qu'une maladie mortelle met en danger prochain de mourir. 3. Doit-on donner ce sacrement aux fous et aux insensés? L'extrême onction ne doit être administrée qu'à ceux qui en reconnaissent la vertu, et tels ne sont pas les fous et les insensés, qui, quand ils n'ont pas d'intervalle lucide où ils puissent comprendre ce qu'ils font, non seulement sont incapables de dévotion, mais profaneraient peut-être ce sacrement par des actes inconvenants. 4. Ce sacrement s'administre-t-il aux enfants? Supposant tout à la fois des sentiments de dévotion et quelques péchés commis, l'extrême onction ne doit pas être donnée aux enfants qui n'ont point l'usage de raison. Note. Elle est principalement dirigée contre les restes du péché actuel, qui ne se trouvent pas dans ces enfants. Fin de la note. 5. Le corps entier du malade doit-il recevoir des onctions? La pratique de l'Église est de ne faire les onctions sacramentelles que sur certaines parties du corps, où est la racine de nos infirmités spirituelles. 6. A-t-on désigné convenablement les parties du corps où l'on doit faire les onctions? Les remèdes dits de nos péchés devant être appliqués là où en est la racine, les onctions se font de préférence aux organes de nos cinq sens, aux yeux, organes de la vue, aux oreilles, organes de l'ouïe, aux narines, organes de l'odorat, à la bouche, organes du goût, et aux mains, organes spéciaux du toucher. Ces cinq onctions sont généralement admises, dans toute l'Église, comme nécessaires au sacrement. Quant aux autres, telles que l'onction des reins et celle des pieds, ceux-ci les observent, cela ne les observe pas, d'autres, omettant celle des reins, ne font que celle des pieds. 7. Les estropiés doivent-ils recevoir les mêmes onctions que les autres? Les estropiés doivent recevoir les onctions aux parties du corps les plus rapprochées des sens où on les fait d'ordinaire. Pour être privés de leurs membres, ils ne le sont pas des facultés de l'âme qui y correspondent, et, s'ils sont dans l'impuissance de commettre des péchés par quelques organes extérieurs, ils peuvent très bien pécher par les puissances intérieures qui y correspondent. Question 33. De la réitération de l'extrême onction. Que ce sacrement peut être réitéré, doit-il l'être dans le cours d'une même maladie? 1. Ce sacrement peut-il être réitéré? Sorte de traitement spirituel, l'extrême onction peut être réitérée, comme le traitement des maladies du corps. Les sacrements dont les effets doivent durer toujours ne se donnent pas deux fois, ce serait les accuser d'impuissance, mais on peut réitérer, sans leur faire injure, ceux qui n'ont pas un effet indestructible, afin d'en faire recouvrer les fruits que l'on aurait perdus. Tel est celui de l'extrême onction. Note. Le mot extrême onction signifie la dernière onction que l'on donne à ceux que l'on croit être sur le point de mourir, et non pas celle qui est toujours la dernière en réalité. Fin de la note. 2. Doit-on réitérer ce sacrement dans le cours de la même maladie? L'extrême onction ne se donne qu'aux malades qui touchent à leur fin, elle ne se réitère point, si la maladie est de courte durée, mais elle peut se répéter dans une rechute. Les maladies sont-elles chroniques, telles que l'étisie, l'hydropisie et autres semblables, on n'y doit administrer ce sacrement que dans le danger de mort, et si le malade, échappant au danger, retombe dans un état pareil, il est permis de le lui réitérer. Pour n'avoir pas changé de nature, la maladie a néanmoins changé d'état. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.